Quand il voulut dire adieu à Odette pour entrer, elle lui demanda de rester encore, et le retint même vivement en lui prenant le bras, au moment où il allait ouvrir la porte pour sortir. Mais il n'y prit pas garde. Elle lui redisait tout le temps « Quel malheur que toi, qui ne viens jamais l'après-midi, pour une fois que cela t'arrive, je ne t'ai pas vu. » Il savait bien qu'elle n'était pas assez amoureuse de lui pour avoir un regret si vif d'avoir manqué sa visite. Mais, comme elle était bonne, désireuse de lui faire plaisir, et souvent triste quand elle l'avait contrarié, il trouva tout naturel qu'elle le fût cette fois de l'avoir privée de ce plaisir de passer une heure ensemble qui était très grand, non pour elle, mais pour lui. C'était pourtant une chose assez peu importante pour que l'air douloureux qu'elle continuait d'avoir finît par l'étonner. Il y avait déjà vu, une fois, une telle tristesse, mais ne savait plus quand. Et tout d'un coup, il se rappela. C'était quand Odette avait menti, en parlant à Madame Verdurin, le lendemain de ce dîner où elle n'était pas venue, sous prétexte qu'elle était malade, et en réalité, pour rester avec Swann. Quel mensonge déprimant était-elle en train de faire à Swann pour qu'elle eût ce regard douloureux, cette voix plaintive qui semblait fléchir sous l'effort qu'elle s'imposait et demander grâce. Mais, comme il aimait Odette, comme il avait l'habitude de tourner vers elle toutes ses pensées, la pitié qu'il eût pu s'inspirer à lui-même, ce fut pour elle qu'il la ressentit, et il murmura « Pauvre chérie !»